الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله عز وجل وبياكم dans ce salon en cette soirée le samedi 17 Dhul-Qa'da 1429 de l'Hégire ce qui concorde avec le 15 novembre 2008 d'après le calendrier des chrétiens. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, toujours dans la Aqida. Nous sommes dans le 20e cours. Nous sommes dans le 20e cours du deuxième tome, Bi'idhnillah Azza wa Jal, du grand livre, La Aqida al-Wasitiya, de Cheikh Islam, rahimahullah, expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Aujourd'hui, là, nouveau chapitre, la vision d'Allah Azza wa Jal. La vision d'Allah Azza wa Jal. يعني رؤيته أقصد رؤية الله عز وجل نعم رؤية الله عز وجل De toute façon, ceux qui ont l'habitude d'assister et ceux qui ont assisté نعم, les années passées savent que on a parlé de ce chapitre avec beaucoup de détails بإذن عز وجل Aujourd'hui, ça revient encore une fois نعم. Ce sera une sorte de révision pour ceux qui étaient déjà présents et pour les nouveaux Ce sera peut-être, Inch'Allah Ta'ala, il y aura beaucoup de nouveaux Ibn Azzawajal. De toute façon, il faut que vous sachiez que Al-Sunnah Azzawajal, il faut que vous sachiez que Al-Sunnah, Rahimahullah, disent que les croyants verront Allah Ta'ala Yom Al-Qiyamah. Les croyants verront Allah Azzawajal Yom Al-Qiyamah. Et beaucoup d'innovateurs, comme par exemple les Mu'tazilites et autres, disent que Allah Azza wa Jal, on ne le verra pas. On ne le verra pas le jour de la résurrection. Une fois maintenant, je me rappelle, j'ai dit que finalement, on trouve qu'il y a trois sectes, ou disons trois groupes. Un groupe qui dit, on ne verra pas Allah Ta'ala dans l'au-delà. Un groupe qui dit, on verra Allah dans l'au-delà. C'est Al-Sunnah al-Jama'ah. Les premiers, c'est Mu'tazila et les autres, les innovateurs qui disent on ne voit pas Allah Yawm al-Qiyamah. Et une autre secte aussi des innovateurs qui disent on voit Allah Ta'ala aussi dans cette dunya. Dans cette dunya, ils disent il est permis de voir Allah Ta'ala et ils citent certains de leurs soi-disant savants ou bien saints, leurs saints, qui prétendent-ils ont vu Allah Azza wa Jal, que Allah Azza wa Jal nous préserve. De cette innovation. Que Allah Azza wa Jal nous préserve de cette innovation. Car si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est monté vers lui, vers Allah, a fait l'ascension, vers Allah, n'a pas pu le voir, comment se fait-il qu'un autre, hein, un simple comme nous, puisse voir Allah Azza wa Jal, alors que les messagers ne l'ont pas vu. Azza wa Jal, من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عراسات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله عز وجل كما يشاء الله سبحانه وتعالى. Ça donne à peu près ça en français. Ensuite, on va rentrer dans les détails. De la foi en Allah Azza wa Jal, ses livres, ses anges et ses envoyés découle le fait de croire que le jour de la résurrection, les croyants verront Allah Ta'ala de leurs propres yeux. Donc, vous remarquez, le fait d'attester que on va voir Allah Ta'ala le jour de la résurrection, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la foi en Allah Azza wa Jal, en ses livres et en ses anges. Donc, ils verront Allah Azza wa Jal de leurs propres yeux, de la même manière qu'ils voient le soleil lorsque le ciel éclaire son nuage et la lune est à son plein quartier. Personne ne pourra leur usurper ou bien leur enlever le droit de le voir, Azza wa Jal. Ils verront Allah, Azza wa Jal, alors qu'ils seront dans les cours, dans les cours de la résurrection. Puis, une fois au paradis, et une autre fois au paradis, comme Allah Azza wa Jal veut. Comme Allah Azza wa Jal veut. Taïb, maintenant, inchallah, là, on va rentrer dans les détails. Il a dit ici, وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله ظاهر لأن هذا مما أخبر الله به فإذا آمنا به فهو من إيمان بالله. Vous avez remarqué qu'au début que j'ai dit que ça rentrait, yani le fait de voir Allah Azza wa Jal ou bien le fait d'attester que Allah Azza wa Jal, on va le voir, Yom al-Qiyama, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la croyance en Allah, en ses livres, en ses messagers. Ça rentre dans la croyance en Allah Azza wa Jal, et en ses livres, et en ses messagers. Voyez. Maintenant, comment ça rentre dans la croyance en Allah, le fait de voir, on va voir Allah le jour de la résurrection. Ceci est très clair, car Allah Azza wa Jal lui-même nous a demandé de croire en ces choses. Allah Azza wa Jal nous a demandé, parce qu'il a cité ça dans son livre, donc il nous a demandé de croire qu'on va le voir le jour de la résurrection. Il y a beaucoup de versets, on les a cités, qui disent qu'on va voir Allah quand on va mourir. Donc, le fait d'attester qu'on le verra, ça rentre dans la croyance en Allah. Ensuite, ووجه كوني من إيمان بالكتب لأن الكتب أخبرت بأن الله هو فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. Ensuite, ça rentre aussi dans la croyance des livres, le fait de dire qu'on va voir Allah, ça rentre dans la croyance des livres. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala dans ses livres, du moins dans notre livre, le Coran, il a cité qu'on allait le voir. Le fait de croire qu'on va le voir, ça veut dire que tu as pris dans ton livre. Tu es au courant, tu as cité que tu en allais le voir. Comme on dit tout à l'heure, en plusieurs versets, dans plusieurs versets. Non. Qu'est-ce qu'il a le micro? Est-ce que maintenant il est mieux? Sinon, je l'avance, là, je le mets quelque part. Alhamdulillah. Je disais, on a un titre d'exemple, et ça rentre aussi, c'est-à-dire le fait d'attester qu'on va voir Allah Ta'ala Yawm al-Qiyamah, ça rentre aussi dans la croyance aux prophètes. Dans quel sens? Parce que les prophètes nous ont informé qu'on allait voir Allah Azza wa Jal. Donc si tu dis qu'on ne va pas voir Allah Ta'ala le jour de la résurrection, ça veut dire que tu n'as pas cru en Allah, car c'est lui qui a dit ça, Tu n'as pas cru au Coran, car le Coran a dit ça. Tu n'as pas cru aux prophètes, car les prophètes ont dit ça. Et tu n'as pas cru aux anges, car ce sont les anges qui font descendre la parole d'Allah Azza wa Jal dans les cœurs des messagers, dans les cœurs des prophètes. Et ensuite, là, il dit, il a dit le délit que Allah Azza wa Jal, on va le voir, il a cité un hadith ici, les versets, il les a cités. Dans le premier temps, maintenant nous sommes dans le deuxième temps, parce que le hadith, tarawnahu kama tarawna ash-shamsa sahman laysa dunaha sahab. Vous verrez Allah Azza wa Jal quand vous voyez le soleil, quand il n'y a pas de nuages, il a dit, vous verrez Allah Azza wa Jal, quand on dit vous allez le voir, c'est-à-dire vous allez le voir avec les yeux. Pourquoi il a dit avec les yeux? Parce que peut-être certains vont dire, on va le voir avec mon cœur. C'est-à-dire on va, si je puis dire, sentir, ressentir quelque chose. Ici, Cheikh veut dire que cela n'est pas l'attestation de un sunna ou jama. Un sunna ou jama dit avec les yeux. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand vous voyez le soleil, est-ce que le soleil, on le voit avec les yeux ou bien on le ressent? On le voit avec les yeux. C'est la même chose pour Allah Azza wa Jalla. Et quand il a dit, quand vous allez voir le soleil, vous allez voir Allah quand vous allez voir le soleil, et vous allez voir Allah quand vous allez voir la lune, la teshbih, la comparaison. Si je puis dire, la comparaison ici, ce n'est pas la ressemblance ici, ce n'est pas dans ce qu'on va voir, mais c'est dans la vision. C'est-à-dire, comme on voit le soleil, on voit là. Mais ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala ressemble au soleil. Ressemble à la lune. Mais la ressemblance se trouve dans ma vision. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez voir le soleil quand il n'y a pas de nuages? Oui, on peut le voir. Alors comme ça, vous pourrez aussi voir Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous pouvez voir la lune quand elle est dans son plein quartier? Oui, on peut la voir. Alors vous allez voir Allah Azza wa Jal comme ça quand vous voyez la lune. Donc la ressemblance se trouve dans la vision et non pas ressemblance entre Allah Azza wa Jal et le soleil ou bien Allah et la lune. Voyez, il a dit la yuda muna fi ru'yatihi. Vous allez voir Allah Azza wa Jal, regardez ce qu'il a dit, vous allez voir Allah Azza wa Jal quand vous voyez le soleil quand il n'y a pas de nuage, quand vous voyez la lune quand elle est dans son plein quartier. Il a dit la tuda muna fi ru'yatihi. Qu'est-ce que ça veut dire la tuda muna fi ru'yatihi? Ou bien ça a l'un des deux sens. Ou bien, ça vient du mot baim. Baim, c'est-à-dire l'injustice, le tort. C'est-à-dire, vous allez le voir sans que personne ne lèse l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va te pousser ou là, va monter sur toi et va faire du tort. Voilà, pour que Yannick lui le voit par exemple et toi tu le vois pas. Non, c'est pas comme ça, sans tort. Tout le monde va le voir sans tort, sans qu'on te fasse mal. C'est-à-dire tellement Allah Azza wa Jal facilitera sa vision. Et aussi, après, c'est un virus. Ou bien, ça vient de Tudamuna. C'est-à-dire, avec Shidda, ça veut dire sans vous regrouper. Le deuxième sens, ça veut dire vous allez voir Allah Azza wa Jal sans vous regrouper. Regardez, quand il se passe quelque chose dans un seul endroit, il faut qu'on aille tous à cet endroit pour voir cette chose. Sinon, on ne la voit pas. Si on est dans la même ville, chez vous par exemple en France, il se passe quelque chose devant la Tour Eiffel. Il faut que vous alliez à la Tour Eiffel pour voir ce qui se passe. Mais Allah Azza wa Jal, non. Vous n'avez pas remarqué que la lune, moi je la vois de chez moi, toi tu la vois de chez toi, l'autre il la voit de chez lui, et pourtant, entre moi et toi et l'autre, il y a des centaines et des milliers de kilomètres. Et pourtant, on peut voir tous la lune, on peut voir tous le soleil, sans que, même sans qu'on se regroupe, ni qu'on se fasse du mal. Chacun de son côté peut voir la lune. Alors qu'en est-il pour Allah Azzawajal? Sûrement qu'on le verra sans que on ne subisse d'injustice et sans qu'on soit obligé de se regrouper. Ensuite, il a dit, يرونه سبحانه عز وجل وهم في عرصة القيامة. Ils verront Allah عز وجل alors qu'ils seront dans des cours de القيامة. Il a dit ici, عرصة, des cours, جمعوا عرصة, c'est le pluriel de un cours. Non, des cours, la cour, hein, vous connaissez la cour. On a une maison, on a la cour. Non. Donc il a dit ici, des cours, la عرصة. C'est quoi? Il a dit, هو المكان الواسع الفسيح. Il a dit, c'est l'endroit qui est large, étendu, ça s'appelle cour, où il n'y a rien de construit. Pourquoi dans ma maison, pourquoi on dit on a la cour? Si on a la cour, ça veut dire la cour, c'est pour s'asseoir, pour jouer, pour courir, il n'y a rien de construit sur la cour. Non. Donc, quand on va voir la zone, on sera dans un endroit comme une cour, où il n'y a rien de construit où il n'existe rien, non. Ni immeuble, ni arbre, ni poteau, ni rien, vide, étendu comme ça, non. Ensuite il a dit, فَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ اللَّهَ فِي عَرَسَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ الدِّينِ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Cheikh Mayah Mouch, a dit, les croyants verront Allah Azzawajal le jour de la résurrection avant qu'ils ne rentrent au paradis. Donc, il y a, si vous suivez bien, il y a au moins deux endroits où les croyants verront Allah, Azzawajal. Le deuxième, c'est dans le paradis. Hein? Mais maintenant, on parle du premier, c'est où? C'est dans la cour de la résurrection. Pas à l'intérieur du paradis. Dans la cour de la résurrection. Là-bas, les croyants verront Allah Azza wa Jalla. Ensuite, il a cité le verset. Le verset qui dit, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Il parle des kuffars. Il parle des mécréants. Ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Quel est le délit ici? Quelle est la preuve ici que donc on va voir le Seigneur? Quelqu'un va dire, le verset a seulement dit que les kofars, les méchants, ne vont pas voir leur Seigneur. Où est le délit qu'on va le voir? On va leur dire, Allah Azza wa Jal, en citant ce verset, veut montrer que voilà le châtiment des kofars. Le châtiment des kofars, c'est que ce jour-là, ils auront un voile entre lui, Allah Azza wa Jal, et entre eux. Donc, par déduction inverse, par déduction opposée, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend donc que ceux qui ne sont pas mécréants, c'est-à-dire les croyants, les musulmans, il n'y aura pas entre Allah et eux un voile. Allah les récompensera en enlevant le voile qu'il y a entre lui et eux. Donc, conclusion, donc les croyants verront Allah Azza wa Jal. Puisque les kuffars auront un voile, nous, on n'aura pas de voile, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ensuite il a dit, Cheikh Lahmou, et وَيَرَوْنَهُ كَذَلِكَ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ. Et ils verront Allah Azza wa Jal aussi lorsqu'ils rentreront au paradis. Et regardez comme on dit, yani, comme ça dans la langue parmi les gens, on dit, yani, espère une chose, peut-être que tu l'auras. Nous, on espère voir Allah Azza wa Jal, peut-être que Allah Azza wa Jal, yani, nous donnera cette faveur et on le verra. On ne dit pas comme les Mu'tazilites et les autres qui disent que Allah Ta'ala, on le verra. Nous, on espère le voir parce qu'on est un sunnah au jama'a et on a des délits, des forts délits. Que un sunnah au jama'a, Allah Azza wa Jal leur feront, yani que un sunnah au jama'a verront Allah Azza wa Jal d'après les délits qu'on a cités plusieurs fois. Non. Donc, conclusion, le jour où les croyants rentreront au paradis, ils verront Allah Azzawajal. Ils verront Allah Azzawajal. Il y a des versets et il y a des hadiths authentiques. Reste maintenant, ce qui nous intéresse maintenant dans ce dos, c'est dans la cour de la résurrection. Ou bien dans les cours de la résurrection. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, dans la cour et les cours de la résurrection, les gens se diviseront en trois groupes. Qu'est-ce qu'il y aura? Les gens, le jour de la résurrection, vont se diviser en trois. Premier groupe, des croyants purs, zahiran wa batin, en apparence et en intérieur, dans leur intérieur. Le premier groupe, ce sont des croyants purs, yani, d'apparence extérieure, ce sont des croyants purs, et d'intérieur aussi, ce qu'ils ont dans leur intérieur, dans leur cœur, etc., ce sont des croyants purs. Premier groupe. Deuxième groupe, le contraire, des kuffars, des mécréants purs, dans leur apparence et dans leur fort intérieur. C'est le contraire des croyants. Et troisième groupe, c'est qui? Des croyants d'apparence et des mécréants d'intérieur, de fort intérieur. Ce sont qui? Ce sont les hypocrites. L'hypocrite, c'est qui? C'est quelqu'un qui dit, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, qui mérite l'adoration qu'Allah Azza wa Jal, et que Mohammed est son prophète, il fait la salat, il va au hajj, mais à l'intérieur de son cœur, il ne croit pas en Allah, il ne croit pas au jour dernier. Donc, celui-là, c'est quoi? Il a une apparence de musulman, hein, tu le vois attesté, tu l'entends attesté, tu le vois dans la mosquée, etc. Et de l'intérieur, il est kafir. Donc les gens, le jour de la résurrection, vont se diviser en trois groupes, je répète. Premier groupe, croyants purs, en apparence extérieure et intérieure. Deuxièmement, kuffars purs, en apparence extérieure et intérieure. Troisièmement, croyants en apparence, et kuffars en intérieur. Corrige la troisième. Les hypocrites, ce sont quoi? Ce sont des croyants en apparence extérieure et kuffars en intérieur. Donc, ici, il y a trois groupes. Le premier groupe, les croyants, ils vont voir Allah Azza wa Jal, puis à la satriyama, les croyants, les vrais, purs, apparence extérieure et intérieure vers Allah Ta'ala dans les cours de la résurrection comme ils le verront lorsqu'ils seront au paradis. Maintenant on va sauter au troisième groupe, deuxième groupe. Quant au kuffar pur, extérieur et intérieur pur, ils ne verront pas Allah Azza wa Jal ni quand ils seront dans les cours de la résurrection, ni quand ils seront, au paradis, puisqu'ils n'ont pas de paradis, donc ils ne verront Allah Azza wa Jal dans aucun endroit. Certains disent, dans les cours de la résurrection. Mais une vision, c'est-à-dire le châtiment. Pas comme les croyants qui verront Allah Azza wa Jal d'une vision de délice. Attendez une seconde, Inch'Allah Ta'ala, une seconde pour le micro. On vous fait des remarques pour le micro. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je vais te changer. Une seconde. Salam alaikum wa rahmatullah. On essaie, Inch'Allah, avec ce micro, on va voir. Vous m'entendez? Alhamdulillah, on va voir, inshallah ta'ala. Donc, pour les kuffars, certains savants ont dit que ils verront Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection, ils le verront dans les cours de la résurrection, mais ils le verront d'une vision de châtiment. Pas comme les croyants le verront, d'une vision de quoi? Une vision de délice. C'est-à-dire les kuffars le verront alors qu'il est en colère contre eux, etc. Là, déjà le fait de le voir, ils auront très très peur. Ils auront très peur. Mais malgré cela, le Cheikh Ibn Taymiyyah Rahimahou est de l'avis que les kuffars ne vont pas le voir. Les kuffars ne le verront pas. Là, il a dit que ceux qui ont dit qu'ils vont le voir, c'est un, ils ont fait des efforts, c'est tout, des efforts, mais il n'y a rien qui dit cela. Là, reste qui? Reste le monafiqoun. Reste les hypocrites qui, apparemment, sont musulmans et dans leur vérité, dans leur fort intérieur, ce sont des kuffars, des hypocrites. Ceux-là, ils verront Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal se cachera d'eux et ils ne le verront jamais. Non. Ils le verront une fois, ensuite, quand il viendra. Pourquoi ils le verront? Parce qu'ils vont rester avec les musulmans. Non. Car Allah Azza wa Jal demandera à tous les gens de se mettre en groupe, les musulmans pour qu'ils suivent Mohammed Al-Sallam, les chrétiens pour qu'ils suivent Jésus qu'ils adoraient, comme ça, ceux qui adoraient le soleil, ils attendent le soleil, comme ça. Donc les monafiquins, les hypocrites vont profiter pour se mettre avec les musulmans. En ce sens, ils verront Allah Azza wa Jal une fois, ensuite Allah Azza wa Jal se cachera d'eux et ne le verront jamais. Si quelqu'un va dire, comment se fait-il par exemple, bon, ça ce n'est pas cité dans le livre, mais je vous le dis. Si quelqu'un va dire, comment se fait-il par exemple, on sait que les hypocrites, leur châtiment est plus sévère que le châtiment des mécréants. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, il m'a le munafiqina fi dakil asfali min an-nar. Pourquoi? Parce que ils ont menti. Non. Le kafir, au moins il a reconnu, il a dit, moi, je n'adore pas là, j'adore le soleil ou la statue ou la larve, mais je n'adore rien. Il a été franc, mais l'hypocrite a joué. Il a trompé les gens. Il s'est fait montrer musulman alors qu'il était kofar. Il a trompé les gens, on l'a marié avec une musulmane, on lui a donné la zakat, on l'a pas tué, tout ceci. Non. Tfadal muslim, qu'est-ce qu'il y a? Tfadal. C'est quoi le problème? Vous pouvez répéter. Je répète quoi? Je répète d'où? À partir de quoi je répète? Salam alaykoum wa rahmatullah. On dit de répéter pour le paradoxe en ce qui concerne pour les mécréants, pour la vision du châtiment. Non, je répète. Certains savants ont fait des efforts, ce qu'on appelle ijtihad, et on dit que les kuffars verront Allah Ta'ala le jour de la résurrection. Pas dans le paradis, parce qu'ils ne vont pas aller au paradis, mais dans la cour, dans les cours de la résurrection, certains savants dit que les kuffars vont voir Allah Ta'ala, mais le verront d'une vision, une vision de châtiment, pas une vision de délice. Le croyant, quand il va voir Allah Ta'ala, il va être très content. On va dire, Alhamdoulilah, c'est celui-là, Allah, Alhamdoulilah, il est très content, il dit, Allah, il commence à trembler de joie. Le kafir, non, quand il le voit, il a peur, il sait ce qu'il attend, il sait qu'il va être châtié, il sait qu'il va être jeté en enfer. C'est pour ça que ce sera une vision de châtiment. Cela, pour ceux qui disent, pour les savants qui ont dit, que les kuffars vont voir Allah Ta'ala. Mais Cheikh Ibn Taymiyyah, moi, a choisi la vie que, la vie que les kuffars ne le verront pas absolument. Ne le verront ni dans la résurrection, ni dans un autre endroit. J'ai dit maintenant, si quelqu'un dit, comment se fait-il? Les hypocrites, tout le monde sait que leur châtiment est plus grand que celui qui est des kuffars. Comment se fait-il que les kuffars ne vont pas voir Allah Ta'ala alors que les hypocrites vont le voir une fois? Comment se fait-il? L'âme, donc la réponse est très simple. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire le fait que les hypocrites voient Allah subhanahu wa ta'ala une fois, l'âme, je pense voir Allah subhanahu wa ta'ala à l'âme, pour eux, ensuite ils ne vont plus le revoir. C'est plus difficile que celui qui ne voit pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala à l'âme, c'est plus difficile que celui qui ne le voit pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que, si vous avez remarqué, là, il y a un hadith par exemple qui dit que le kafir, quand il sera dans la tombe, là, après que après que les anges lui demandent qui était ton Seigneur, c'est les trois questions, ensuite qu'est-ce qu'ils font? Ils lui ouvrent une porte, ou une fenêtre dans la tombe qui donne au paradis. Il voit sa place, il voit sa maison, il voit son jardin, il voit ceci. Il va très très très content, il va jubiler de joie. Ensuite, que lui dira l'ange, lui dira, tu vois, ça aurait été ta place si tu avais cru en Allah, si tu avais obéi à Allah. Mais maintenant que tu as été méfiant, voilà ta place, et il lui montre l'autre. Donc, en ce sens, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, maintenant qu'il a vu sa place au paradis, ensuite il en a été privé, et maintenant il a vu sa place en enfer, il va avoir deux châtiments. Le premier châtiment, d'avoir vu le paradis, de l'avoir perdu. Hein? Là, ça reste dans son cœur, toujours il y a le cœur serré, il y a le cœur qui ne peut pas être calme. Il sera pourquoi? Parce qu'il a vu le paradis, ensuite il ne l'aura plus. Et le deuxième châtiment, c'est quoi? C'est yani, de voir l'enfer et ce qu'il attend. Je pense que c'est un peu dans ce sens. Et que les monafiqouns, les hypocrites, leur châtiment sera grand. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir déjà Allah une fois, ensuite ils ne le verront plus. Ça reste toujours une brûlure qui brûle leur cœur. Hein, c'est comme toi, si... Je donne un exemple très simple. Imagine que quelqu'un passe le baccalauréat. Et quand il va voir les résultats, il trouve qu'il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer qu'il va avoir mal, il va pleurer, il va être chagriné, ensuite il vient le jour, il va oublier. Mais si quelqu'un va voir les résultats, il va voir son nom parmi ceux qui ont réussi. Il est tout content, très content, machallah, peut-être qu'il pleure de joie, il commence à téléphoner aux gens, à dire, hein. Ensuite on lui apprend que c'est une erreur. Une erreur, hein, il n'a pas le bac. C'est vraiment, vraiment difficile, croyez-moi. C'est plus difficile que quand on lui dit la première fois, tu l'as pas eu. Ici, les hypocrites vont voir Allah Ta'ala une fois, ensuite il va se cacher d'eux. C'est vraiment difficile pour eux. Allah Azza wa Jal nous préserve de ce châtiment. Et il a dit ensuite, « Wa min al-iman bil yawm al-akhir » الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. Et ça rentre dans la foi, نعم, من إيمان باليوم, la foi de l'ultime jour, le dernier jour, ça rentre dans la foi, c'est quoi? De croire de tout ce qui a été rapporté par le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, de ce qu'il y a après la mort. De ce qu'il y a après la mort. Ensuite, la cité. فَيُؤْمِنُونَ بِفِتَّةِ الْقَبْرِ أَلْسُنَا وَجَمَعَ نعم, croit en l'épreuve de la tombe. وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ croit au châtiment de la tombe. وَبِنَعِمِهِ أَلْسُنَا وَجَمَعَ croit au délice de la tombe. فَأَمَّا الْفِتْنَةِ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فَأَمَّا الْفِتْنَةِ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ. Il a géré. On va, Inch'Allah Ta'ala, parler maintenant par détail. Il dit ici, « حُكْمُ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَارِضَةٌ وَاجِبٌ وَمَرْتَبَةٌ فِي الدِّينِ أَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ السِّتَّةِ » Il a dit, le fait de croire à l'ultime jour, le fait de croire au jour de la résurrection, c'est une obligation pour chaque personne. Chaque personne, chaque musulman, doit croire que yani, il y a un jour dernier qui nous attend, qui s'appelle l'ultime jour, et sera le jour de la résurrection. Et non seulement c'est quelque chose d'obligatoire, mais il a dit que ça rentre dans un des six piliers. Ça rentre dans un des six piliers de l'islam. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, il ne va pas y avoir de jour de résurrection, on va mourir, on va devenir poussière, celui-là, c'est un kafir. Celui-là, s'il était musulman auparavant, maintenant, il n'est plus musulman. Il est sorti de l'islam. Non. Si on dit que si on meurt, on ne va pas ressusciter, ça veut dire là qu'on est devenu kuffar. Il a dit, وسمي اليوم الاخر باليوم الاخر لانه يوم لا يوم بعده فهو اخر مراحل. Pourquoi le jour de la résurrection, pourquoi il s'appelle le dernier jour? Le dernier jour, tout simplement parce que il n'y a pas de jour après lui, ce sera le dernier jour, il n'y a pas un autre jour après ce jour là والانسان له خمس مراحل. Et il a dit, الانسان, l'être humain passe par cinq étapes. Chaque être humain doit passer par cinq étapes. Marhalatul Adam, l'étape du néant. Thumma al-ham, l'étape de la grossesse. Thumma al-dunya, ensuite l'étape de cette dunya, quand il vit cette vie ici-bas. Thumma al-barzakh, ensuite l'étape de la barrière. Nam, ensuite. Ensuite, l'étape de l'au-delà. On va citer quelques dalils pour ces cinq étapes très vite. فَأَمَّا مَرْحَلَةُ الْعَدَمِ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُ تَعَالَى هَلْ أَتَى لِلْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مَذْكُورًا. En ce qui concerne, j'ai dit la première étape, c'est quoi? L'étape du néant. C'est dans le verset où Allah Azza wa Jalla a dit, sourate l'insan, ayat oula, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Je répète, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. C'est-il ici, en arabe, hel, est-ce que, ici ça ne veut pas dire la question, mais ça veut dire que, oui, ça s'est écoulé. Il y a eu cette chose. Donc c'est quoi cette chose? Ça s'applique ou bien à Adam alayhi salam. Adam est resté combien d'années seulement en argile. C'est-à-dire que personne, même le shaitan, ne savait pas qu'est-ce qu'on allait en faire. Il ne savait pas que cette argile allait devenir un être humain, que c'était Adam. Il s'étonnait, il passait, il rentrait de sa bouche, sortait de l'autre côté, il se demandait c'est qui, c'est quoi ça, c'est qui ça, etc. Donc, si ça s'applique à Adam, ça veut dire cela. Il était dans le néant. Si ça s'applique, comme disent d'autres savants, à toutes les personnes, ça veut dire tout simplement que nous tous, on était dans le néant quand on était une goutte de sperme. Et quand on était dans le ventre de nos mères, hein, personne ne savait si on allait être un homme ou une femme, si on allait être grand de taille ou petit, noir ou blanc, pauvre ou mal, pauvre ou riche, et comme ça. Personne ne savait, on était vraiment dans le néant, dans le néant. Donc ça, c'est la première, hein, c'est la première étape. La deuxième étape, l'étape marhalatul haml, c'est l'étape de la grossesse. Où la femme, la mère est enceinte, où Allah Azza wa Jalla a dit, يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. Sourate Zumar, verset numéro 6. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. Il vous crée dans les ventres de vos mères. خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ. Création après création. فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. Dans trois ténèbres. Le ténèbre du ventre, le ténèbre de l'utérus, quand il était, le bébé était dans le fœtus, et le ténèbre de, une chose, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, on l'a dit. Quand il est né avec quelque chose qui l'entoure, là, il est aussi dans les ténèbres de cette chose. Là, de cette chose. Donc, c'est comme une poche comme ça. Là. Troisième étape, marhalat dunya, l'étape de ce bas monde. Allah Azza wa Jalla a dit, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا والأفئدة لعلكم تشكرون. 78 verset 78 النحل طيب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا الله vous a fait sortir, يا الله vous a fait sortir des ventres de vos mères, des ventres de vos mères dénués de tout savoir. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Et il vous a donné l'ouïe, des yeux et des cœurs. Des cœurs, c'est-à-dire l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Donc, Razul nous a fait sortir du ventre vers quoi? Vers la troisième étape, qui est l'étape de quoi? L'étape de ce bas monde. Quatrième étape, c'est l'étape de la barrière. Vous savez, il y a une barrière entre nous et l'au-delà. Cette barrière, c'est où? C'est quand on meurt. Est-ce que quand on meurt, on va aller direct, on passe à l'au-delà? On va aller au jour de la résurrection, on va aller chez Allah subhanahu wa ta'ala? Non. On va rester un certain temps où on va rester dans la tombe. C'est-à-dire, il y aura une barrière entre cette dunya, ce bas monde, et la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Le temps que l'on passe là-bas s'appelle l'étape de la barrière. S'appelle le barzakh. En arabe, le barzakh. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. C'est-à-dire, et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Enfin, cinquième étape, Marhalatul Akhira. Cinquième étape, c'est l'étape de l'au-delà. C'est la dernière des étapes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, Thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun. Allah ta'ala dit, puis après cela, vous mourrez, et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscité. Je répète, puis après cela, vous mourrez, et voilà l'étape qui vient, et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscité. Il a dit Cheikh Lahmo, وقوله رحمه الله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. Parce que Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que la foi en tout ce que le messager alayhi salam, a informé de ce qui se passe après la mort. Il a dit tout cela ça rentre dans quoi? Dans la foi de l'au-delà. Pourquoi ça rentre dans l'au-delà? وذلك لأن الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر. Il a dit parce que dès que la personne meurt, elle est passée dans l'au-delà. En fait, dès que la personne meurt, dès qu'une personne meurt, elle est passée dans l'au-delà. ولهذا يقال من مات قامت قيامته. فكل ما يكون بعد الموت فإنه من يوم الآخر. Il a dit c'est pour ça que on dit que quiconque meurt, ça veut dire que sa résurrection a eu lieu. Toute personne qui meurt, il a eu déjà sa résurrection personnelle, bien sûr, à lui, personnelle. Reste quoi? Reste la grande résurrection où on va tous être regroupés. Non. Il a dit, وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَنْتَبِهَ لِهَذِي النُّقْطَةِ. Il a dit, Cheikh Ibn Taymiyyah Al-Ahmoudi, c'est pour ça que on doit bien réfléchir à ce point. فَكِرْ أَيُّهَا الْإِنسَانِ تَجِدْ أنك على خطر. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه دي pense toi humain, pense et tu vas voir que tu es dans un grand danger. لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا. Pourquoi nous sommes tous dans le grand danger? Parce que la mort, personne ne la connaît, il n'avertit pas quand elle vient. Des fois la personne sort de la maison le matin et n'y revient pas le soir. Elle a tardé Ensuite, on reçoit un téléphone qui nous apprend que cette personne est dans la morgue, qu'elle vient de faire un accident. Naam. Il a dit des fois, la personne est assise sur la chaise de son bureau et crise cardiaque, elle ne peut plus se relever. Cette personne qui n'était jamais malade auparavant et qui ne s'est jamais plainte. Et voilà une petite crise dans le cœur et elle ne peut pas se relever de sa chaise. Naam. وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه محمل من فراشه إلى سريره غسله. Il a dit des fois, la personne se met dans son lit, ensuite elle ne se relève que pour être mise dans l'autre lit, le lit sur lequel on va laver cette personne qui vient de mourir. وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة الله عز وجل. Il a dit, donc si les choses sont comme ça, donc, il nous est obligatoire de profiter au maximum hein, de faire la touba. Hein, de faire la touba tout le temps et à chaque instant. Comme ça, si jamais la mort vient comme ça à l'improviste, la personne se trouve prête. La personne se trouve prête. Taïb, ici, il a dit. Ils croient en l'épreuve du châtiment. Ils croient en l'épreuve du châtiment. Quand il dit il croit en l'épreuve du châtiment, il est en train de parler de sunna, les gens de la sunna et du consensus. Les gens de la sunna et du consensus croient en quoi? Qu'il y a une épreuve dans le paradis. Là. Et cette chose, c'est-à-dire l'épreuve, J'ai dit quoi? Une épreuve dans le paradis, une épreuve dans la tombe. Une épreuve dans la tombe croit, Al-Sunna al-Jama'a atteste et croit qu'il y a une épreuve dans la tombe. Et cette épreuve dans la tombe hein, se trouve dans le Coran, éprouvée par le Coran et par la Sunna. Quant au Coran, Allah Azza wa Jalla a dit « Yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah » Surat Ibrahim 27. L'Azawjal a dit qu'il raffermissait, il raffermissait les croyants avec, hein, avec la bonne parole, ou bien la parole raffermie dans cette dunya et dans l'au-delà. Et dans cette dunya, ça veut dire, comme l'a montré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari muslim, ça veut dire dans la tombe. L'Azawjal raffermi les croyants ici, en cette dunya, c'est-à-dire dans la tombe, et les raffermi dans l'au-delà. Et la parole ferme dans cette tombe, c'est quoi? La parole ferme dans cette tombe, c'est la parole ferme dans cette tombe, c'est lorsque les anges lui demandent qui est ton Seigneur, c'est quoi ta religion, et qui suivais-tu? C'est là que Allah Azza wa Jal va raffermir le croyant pour qu'il réponde avec la bonne réponse. Quant à la sunna, quant au délit de la sunna qui dit qu'il y a l'épreuve dans la tombe, c'est comme qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Inna wa qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi qulurikum mitl ou qariban min fitnat al-dajjal » Rawal Bukhari. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été révélé que vous serez éprouvés dans vos tombes. Il m'a été révélé, yani par Allah, que vous serez éprouvés dans vos tombes, hein, comme l'épreuve de l'Antéchrist. Messie Dajjal. Comme l'épreuve de l'Antéchrist ou quelque chose de proche de cela. Quelque chose de proche de cela. Et tout le monde sait, au fitna tout Dajjal, avant au fitna, monde khalaqallahu adam min atakum sa. Et tout le monde sait que l'épreuve de l'Antéchrist, le Messie Dajjal, c'est la plus grande épreuve depuis que Allah Azza wa Jal a créé Adam jusqu'au jour de la résurrection. Hein? Le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit, ma bayna khalqi Adam ila qiyam sa'a amrun akbar min Dajjal. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah a dit, depuis que Allah a créé Adam jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas plus grand que l'épreuve du Dajjal. Il n'y a pas plus grand que l'épreuve de l'Antéchrist. Mais le messager d'Allah a dit à ses compagnons, voilà qu'il n'avait pas l'âge de savoir, ben qu'il a l'âge, mais encore il a dit à toute sa nation, il n'y a pas le joie à l'afikum, il n'y a pas le joie à l'afikum, il n'y a pas le joie à l'afikum. Le messager d'Allah nous a rassuré, nous a dit, si l'Antéchrist, le Messie Dajjal sort de mon vivant, n'ayez pas peur. C'est moi qui vous suffirai de lui. Mais s'il sort en mon absence, alors que je serai mort, alors que chacun, fasse à son possible pour l'éloigner de lui. C'est-à-dire, je ne serai pas avec vous. Il a dit, mais Allah khalifati, Allah khalifati ala kulli muslim. Allah azza wa jal, Allah azza wa jal, c'est lui qui, je laisserai comme quelqu'un, comme qui vous préservera, qui préservera chaque musulman à ma place, Malgré cela, le messager d'Allah azza wa jal a montré à tous ses compagnons, comment éviter cet antéchrist. Et avec quoi il viendra et comment faire pour l'éviter. Et il nous a cité tous les détails de cet antéchrist et comment Bidna Azzawajal faire pour l'éviter. Et si vous remarquez, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de le Messie Dajjal, l'antéchrist, ceux qui l'ont lu, et je suis sûr que la plupart de vous ont lu au moins une fois le hadith de l'Antéchrist qui montre qu'il va venir avec un paradis, un enfer et un qui va dire à la montagne elle va tomber, aux montagnes de devenir en or et en argent elles vont le devenir, et qu'il va tuer quelqu'un et le refaire vivre, bi'idhna azza wa jal. Mais si vous avez remarqué, ce quelqu'un, quand il le tuera, il le fera mourir et il le fera revivre, bi'idhna azza wa jal, il lui dira, et maintenant, qu'est-ce que tu dis? Que dira cette personne? Cette personne dira que, maintenant, je suis encore plus convaincu que c'est toi le Messie Dajjal. Il dira quoi? Il dira, haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète d'Islam nous a raconté ou l'a rapporté que tu allais sortir, etc. Donc, si vous remarquez, celui qui va sauver cette personne, c'est quoi? C'est la science. Regardez celui qui demande la science, comment Allah Azza wa Jalla le sort des fitnas. Car il va dire, cette personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, Naam, maintenant je ne suis que convaincu que c'est toi le Messie Dajjal, que tu n'es pas là. D'ailleurs, le messager d'Allah nous a rapporté et il cite le hadith. Regardez pour ceux qui suivent les hadiths, pour ceux qui demandent la science, comment même le Messie Dajjal, comme personne, la grande fitna, il ne peut pas le toucher. Il ne peut rien lui faire. C'est pour ça, la deuxième fois, il essaie de le tuer, mais il ne pourra pas. Allah Azza wa Jalla l'empêchera. Et le messager d'Allah a dit, cette personne, ce sera la meilleure des croyants. Cette personne, ce sera la meilleure des personnes croyantes ce jour-là. Ce jeune homme-là qui dira, le messager d'Allah nous a rapporté sur toi que tu as été le Messie Dajjal. Et si cette personne n'était pas une personne qui demandait de la science, qui passait son temps en face de la télévision ou bien dans les cafés, ce jour-là, elle aurait suivi l'Antéchrist. Elle aurait dit, oui, c'est toi là. D'ailleurs, tu fais tomber la pluie, tu tues et tu refais vivre, tu ressuscites, tu demandes au mental de devenir en or, deviennent en or, c'est toi là. Mais celui-là, il a demandé la science, et Allah Azza wa Jal l'a aidé. Non, le prochain verset, inshallah ta'ala, c'est tout ce qui se passe dans la tombe d'Ibn Azawajal. C'est tout ce qui se passe dans la tombe, inshallah ta'ala. Je m'arrête ici, inshallah ta'ala. On se rencontre dans quelques minutes, c'est tout. Non. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Arju, je souhaite, comme vous savez, que dans le cours de l'Aqidah, qu'on n'aille pas ni à la mairie, ni au tribunal, ni à la mairie pour marier, ni au tribunal pour divorcer. On reste, inshallah ta'ala, dans la Aqidah. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله عز وجل on commence sans perte de temps بإذن الله عز وجل. نعم vous connaissez la règle. نعم les questions dans la aqida et deux personnes sur le plateau, une personne sur deux échatteurs. On commence en matière donc par attendez, je vois la liste. On commence par Youssef 38. Tafadhal inshallah ta'ala pour cette série de questions-réponses du samedi 17 d'Al-Qaïda, 1429, ce qui concorde avec le 15 novembre 2008. Tafadhal inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien du son inshallah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Assalamu alaikum, cher. Si la police française nous demande des informations contre un musulman, peut-on mentir pour protéger ce musulman? Très bien, cher. En général, quand on sait que on va faire du mal à un musulman, quand on sait qu'on va faire du mal à un musulman, sans qu'il le mérite, hein, surtout si le mal est grand, il est permis de mentir. Je donne un exemple. Imaginez que quelqu'un rentre chez vous, hein, il veut se cacher parce qu'il y a quelqu'un qui veut le tuer dehors. Hein, quelqu'un, un voyou qui a un couteau qui court derrière lui. Est-ce qu'on va lui dire que cette personne est là? Non, très bon musulman. Parce qu'on a été déconnecté. On passe, Inch'Allah ta'ala, elle demande de vous répéter. Est-ce qu'elle est là maintenant, Inch'Allah? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est maintenant ici? Non, je dis. Non, je dis. En général. En général. Non. Quand on sait qu'on veut faire du tort ou du mal à un musulman, non, et que si on ne ment pas, cette personne, on va lui faire du tort et du mal. Non, mais qu'elle ne mérite pas ce mal, elle n'a pas fait quelque chose pour être punie. Non, il est permis de mentir. Comme si, par exemple, imaginez que quelqu'un, un musulman, quand il rentre chez moi, se cache, non, parce que quelqu'un court derrière lui avec un couteau pour le tuer. Est-ce que je vais lui dire que... Il me dit, est-ce qu'il est chez toi? Est-ce que je vais lui dire qu'il est chez moi? Si je vais lui dire qu'il est chez moi, il va le tuer. Non, donc c'est moi le responsable. Dans ce cas, il m'est permis de mentir. Et Ibn Hajj al-Asqalani rahimahullah, en fait, al-Bari a cité, d'après l'imam Ibn Hajj rahimahullah, que dans ce cas, s'il ne mentait pas, il deviendrait un pervers. Et les savants ont même permis que s'il jurait par Allah, qu'il n'aurait pas de ism, qu'il n'aurait pas de péché. Donc, maintenant, reste à savoir quelle est la chose sur laquelle je vais mentir. Qu'a fait cette personne? Non. Si cette personne mérite, par exemple, elle ne doit pas faire cette chose et elle fait cette chose. Elle ne doit pas voler, ensuite elle vole. Elle ne doit pas faire des choses et elle fait. Non. C'est vraiment, dans ce cas, non. Mais moi, je parle contre une personne et, comme on dit en français, est innocente. Et on a peur qu'on lui fasse le mal. Na. Fadal inshallah ta'ala. Prochain. Allah et tais-toi. C'est à vous, inshallah. On vous a enlevé la raide. Vous pouvez poser la question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que dites-vous des gens, entre parenthèses, surtout du Minhaj, qui jugent et qui croient que tous les morts auront le châtiment de la tombe, qui jugent les croyants, entre parenthèses, qui n'ont pas pu faire la hijra car ils étaient malades, en disant faites doa, ça diminuera leur châtiment. Par contre, c'est une seule question par personne, barakallahu fikoum. Tafadhal cheikh. En fait, musulman, alhamdoulilah, je n'ai pas compris la question. Non, si tu peux, inshallah ta'ala, répéter la question, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Ce n'est pas, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Fadal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ta personne demande, que pensez-vous des personnes qui pensent que toutes les personnes qui n'ont pas fait la hijra, qui sont dans la capacité, seront quand même châtiées, même s'ils ne pouvaient pas, par exemple pour le motif qu'ils étaient malades, ou pour une raison X. En disant, et ensuite donc ces personnes qui disent que tout le monde sera châtié, ils disent faites dua afin que le châtiment soit moindre, pour qu'Allah vous châtie moins. Mais vous serez quand même châtié car vous n'avez pas fait la hijra. Est-ce que vous avez compris, cher Inch'Allah? Est-ce que vous avez compris ou je répète Inch'Allah? Fadal, cher. J'ai compris seulement, j'ai pas compris le passage où tu as dit faites des doigts. Faites des doigts pour alléger. Répète, ici je n'ai pas compris, Fadal. En fait, cher, il y a des personnes. Donc d'après Crains Allah et tais-toi, il y a des personnes qui disent que si une personne ne fait pas la hijra, même qu'elle a une incapacité, c'est-à-dire qu'elle a une raison pour laquelle elle ne peut pas faire la hijra, elle sera quand même châtiée. Et donc ces personnes disent, tu seras châtié, mais fais de la pour que ton châtiment soit moindre, pour qu'Allah te fasse un petit châtiment par rapport aux autres. En fait, tu invoques Allah juste pour... juste pour que le châtiment soit moindre. Fadal, cher. Non, je dis à cette personne que ce qu'elle vient de dire, non, ou là, les gens qui disent que celui qui ne fait pas la hijra, qu'il est toujours châtié, dans tous les cas, même s'il a des excuses ou il est malade, ceci n'est pas vrai. Ibn Azzaoui, pourquoi ? Allah Ta'ala, quand il a cité, en parlant des anges, non, qui vont châtier, si je puis dire, les gens qui n'ont pas fait la hijra, parce que Allah Ta'ala dit « Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim »« Qalu fima kuntum » Les anges leur disent « Où est-ce que vous étiez ? Pourquoi vous n'avez pas fait la hijra ?»« Qalu kunna mustada'ifina fil ard » On était dans ce bas monde, sur cette terre, on était mustada'ifin, on était, on n'avait pas de force, on n'avait pas de puissance, etc. Les anges leur disent, quand ils veulent les faire mourir, ils vont leur dire, la terre de l'Azawj n'est-elle pas vaste, n'est-elle pas étendue, pourquoi vous n'avez pas fait la hijra, puisque vous étiez ici, on vous avait du tort, etc. La terre de, autrefois, il n'y avait ni passeport, ni frontière, ni rien. Pourquoi vous n'êtes pas parti ailleurs? Il a dit, ceux-là vont entrer en enfer. Et quel châtiment. Ensuite, il a dit, il y a le mustadafin. Sauf le mustadafin. Il est faible. Min rijali ou nisa, des hommes et des femmes. Vous savez, donc il a fait une exception. Il a dit, il y a le mustadafin, min rijali ou nisa ou l'huidan. Des faibles, des hommes, des femmes et des enfants. Qui ne savent pas, par exemple, comment, ou alors n'ont pas les moyens. Cela, Allah Azza wa Jal, il va leur pardonner. Donc, celui qui est malade grave, celui qui n'a à sa mère devant lui, et sa mère ne veut pas faire la hijra, et elle est malade, et celui qui a des raisons vraiment valables, l'âme, celui-là, il est excusé devant Allah Azza wa Jal. Fadal, inshallah, on passe au prochain. Seulement, je dis à cette personne aussi que l'hypocrite, ce n'est pas celui qui fait la prière quand il est fatigué, etc. Ce n'est pas un hypocrite. L'âme, quand il l'a fait comme ça, il est fatigué, il l'a fait d'une façon fatiguée, n'est pas un hypocrite. Bi-idhnillahi Azza wa Jal. Non, mais le vrai hypocrite, il a fait toujours comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne croit pas en Allah Azza wa Jal. Donc il l'a fait, c'est un poids sur lui, une montagne sur lui. Dans son cœur, il ne croit pas. Et il y a cette prière, il est en train de s'insulter. Tandis que nous, par exemple, les croyants, on fait un voyage, on est fatigué, on l'a fait comme ça un peu vite, ou là parce qu'on est fatigué, ça ne rentre pas dans l'hypocrisie. Là, très bien, inshallah, le prochain. Donc là, on est sur. Inch'Allah, donc j'ai la question en PV. Donc c'est la question de éprouver. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala dit dans Surat al-Baqarah qu'il nous charge que selon notre capacité, que ce qu'on peut supporter. Et ma souffrance dépasse ma capacité. Comment puis-je comprendre ce verset, car je ne peux plus supporter les épreuves que j'ai actuellement. Barakallahu fik. Fadal Sheikh. J'ai dit la fois passée que là, je voudrais qu'il y ait inchallah la concordance entre ce que vous disiez et ce qui est écrit. Là, parce que toi tu as dit qu'à la fin tu as dit je ne peux plus supporter les problèmes ou quelque chose comme ça. Alors qu'ici il a dit je ne peux plus supporter ma vie de couple qui devient très difficile. Il a cité que les problèmes se situaient dans le couple, non? Et il n'a pas laissé ça en général. Je dis que Allah Azza wa Jal, non, comme il a dit lui-même, ne nous charge que selon notre capacité. Jamais au grand, jamais Allah Ta'ala ne te charge d'une chose que tu ne peux pas faire. Si maintenant toi tu veux te forcer, c'est toi qui t'es forcé, c'est pas Allah Ta'ala qui t'a forcé à faire quelque chose qui te dépasse. Donc quand la personne ici dit « je ne peux pas supporter ma vie de couple hein, », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une solution, et il y a beaucoup de solutions, mais la personne ne connaît pas les solutions. C'est pour ça qu'elle est en train de se charger des choses hein, que Allah Ta'ala ne l'a pas chargé. Hein? Si cette personne venait à raconter à un savant exactement ce qui ne va pas dans la vie de son couple, puisque les problèmes sont au niveau du couple, elle verra que le savant lui montrera beaucoup de choses non, qu'elle, par exemple, qu'elle n'est pas obligée de faire, alors que cette personne croit qu'elle est obligée de faire. Ou lui montrera, par exemple, qu'il y a une solution, c'est par exemple telle ou telle chose, ou bien c'est le divorce, ou bien c'est le khola, ou bien c'est. Il y a toujours une solution, et il y a des milliers de solutions. C'est seulement quand nous ne connaissons pas les solutions, alors on va se charger sur nos dos même des choses qui vont qui vont peser, qui vont nous faire croire que Allah Ta'ala nous a chargé plus de notre capacité. Naam. Allah Azza wa Jal a'lam. Tafadhal inshallah le suivant. Naam, donc Fawzan Sak, c'est à vous inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Je vous aime à Allah. Est-ce que le fait de dire à quelqu'un, faites dua pour moi, rentre dans le shirk? À partir de quand votre numéro de téléphone sera disponible? Assalamu alaikum à tout le monde. Tafadhal Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que celui que tu m'as aimé en lui, quant au numéro de téléphone, inshallah ta'ala, dès que je l'aurai, je vous le donnerai bi'idna azawajal. Reste à savoir, quand on dit à quelqu'un fait des doigts, est-ce que ça rentre dans le shirk? Ça ne rentre nullement dans le shirk. Mais, la meilleure façon, quand on dit à quelqu'un, si on veut dire à quelqu'un fait-nous des doigts, la meilleure façon, c'est de se mettre, donc comme j'ai expliqué une ou deux fois, c'est de se mettre dans le cœur que je lui ai demandé de me faire des doigts, non pas pour mes avantages, pour que je gagne telle chose ou la pour je réussisse dans telle chose là, mais c'est aussi pour lui. Car lui, quand il fait des doigts pour moi, il aura aussi quoi? Il aura le amin des anges. Car quand quelqu'un fait des doigts à une autre personne, les anges lui diront, amin est pour toi aussi. Donc, dans ce sens que, pourquoi je dis cela? Parce que quand on demande à quelqu'un de faire des doigts, on lui a demandé une chose, qu'on le veut ou pas. C'est comme si on demande à quelqu'un, donne-moi un morceau de pain, donne-moi ta voiture, donne-moi, fais-moi des doigts. On lui a demandé quelque chose. Et il est interdit en islam de demander une chose, non, comme vous savez, si, si on peut ne pas demander, on ne demande pas, comme a dit le message d'Allah. Maintenant, si on veut demander les doigts, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, et aussi on doit mettre dans le cœur que ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour l'autre personne, pour que elle aussi elle profite. Donc ça n'a rien à voir avec le shirk, b'iznillah ta'ala, demande à quelqu'un qui est pieux de te faire des doigts et mets dans ton cœur que c'est aussi pour lui, inshallah ta'ala. Fadda. Donc c'est Mohamed Inidris. Donc déjà question PV, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah le Très-Haut accepte de nous les bonnes œuvres et qu'il le Très-Haut nous pardonne les mauvaises. Normalement. Allah yafazdik shikhana. Premièrement, dans le livre Majmu' al-Tawhid, Cheikh Ibn Taymiyyah et Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, Rahimahumullah, ont dit qu'il y a quatre formes de grands shirk, grand associationnisme. Et l'une d'entre ces formes, c'est l'association dans l'obéissance. Et le shirk akbar, donc le grand associationnisme, fait sortir de l'islam, de celui qui le commet. Deuxièmement, et dans le commentaire du livre Kitab al-Tawhid, de Cheikh Salah al-Cheikh, Rahimahullah, Cheikh dit à propos du verset « Tous deux assignèrent à Allah des associés et en ce qu'il leur avait donné. » Désigne Al-A'raf, verset 190, désigne l'association dans l'obéissance. Et on sait bien que toute personne désobéissante à Allah obéit en fait à Satan. Et que tout péché commis par le serviteur découle d'une certaine forme d'association dans l'obéissance. Le Shir dit aussi, quant à l'association citée dans le verset, il s'agit d'une association d'obéissance et non pas d'une forme mineure de polythéisme, chose qui est impossible pour eux, c'est-à-dire Adam et Ève. Comment dois-je comprendre ces paroles? Comment rassembler entre ces deux paroles? Barakallahu fikoum. Mes chers, je ne sais pas si vous avez compris. Très bien, cher. Comme tu l'as dit, je n'ai pas bien compris, mais je ne sais qu'une chose. C'est quoi? C'est que ce verset dont le frère, la soeur, je ne sais pas qui est en train de parler, a en fait posé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. À beaucoup de gens, et certains, astaghfirullah, sont allés jusqu'à, y en a accusé nos pères et nos aïeux, c'est-à-dire Adam et notre mère Hawa, de faire du shirk. Non. Alors que, si tu reviens dans les grands tafsirs, ils disent que ce verset, il ne faut pas le comprendre apparemment, car le Coran est plein de ce qu'on appelle Belara, Belara en français, on y cherche le mot, l'éloquence, plein d'éloquence. Il te commence, le Coran, des fois, des passages comme ça, il commence à parler d'une chose, et il sort à une autre, et toi, tu ne connais pas bien là, tu crois qu'il est en train de parler de la même chose. Alors qu'il maintenant, il a changé de sujet, il parle d'autre chose. Et dans ce cas, c'est pour ça, dans ce verset, ils disent que Allah Ta'ala maintenant a cessé de parler de Adam et de Hawa. Maintenant, il est en train de parler des gens en général, en particulier des mouchriquins. Eux, que les mouchriquins, quand ils ont besoin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ils reviennent vers lui, etc. Et ensuite, vite, ils rentrent dans le shirk. Et dès qu'il leur donne un bien, etc., il tombe dans le shirk. Comme par exemple dans le verset, ou par exemple là, par exemple quand il dit, attendez une seconde, comment commence ce verset? الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Regardez ce verset. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ceux à qui on a donné le livre, ils le connaissent comme ils connaissent leur fils. Subhanallah al-Azim. Ceux à qui on a donné le livre, ils le connaissent. Normalement, ils connaissent quoi? Ils connaissent le livre. Comme ils connaissent leur fils. Et pourtant, il a sauté maintenant et il parle du messager d'Allah. Il dit qu'ils le connaissent, c'est-à-dire qu'ils connaissent le messager d'Allah, pas le livre. Alors que la règle dit en arabe qu'on doit revenir à la dernière chose citée. الضمير يعود إلى أقرب مذكور نورمالمون يكونس كوا يكونس لو ليف باسكو لو ليف كي راتي سيتي لو ديرني مي ماجري سولا إلى صوتي إي بار دوطخ شوز إي بار دو ميساج دو الله كان لا فور كي بار دو ميساج دو الله إلى دي كوم يكونس لور فيس سيتادير يكونس محمد عليه الصلاة والسلام كوم يكونس لور فيس إي أون بو با كونيتر أن ليف كوم أون كوني سون فيس نعم. Donc ici, c'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, qu'il faut comprendre le verset qui n'a rien à voir avec Adam et Hawa alayhi salam, mais qui parle des gens en général et des mouchriquins en particulier. Naam. Fadla, Inch'Allah, le prochain. Assalamu alaykum wa rahmatullah, Cheikhana. Doit-on considérer des personnes musulmanes qui insultent, qui attaquent le minhaj, plus particulièrement les Ikhwan, Muflisoun, comme nos frères et sœurs, Allah, ou doit-on les détester pour Allah? Barakallahu fikum, Cheikh. Tchad. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quelqu'un m'a envoyé un PV, l'âme, je crois, je ne sais pas c'est qui exactement, qui dit quoi? Qui dit, qu'en est-il du shirk fita'a? Fita'a, j'ai pas compris que ça veut dire cette phrase, l'âme. J'ai pas compris que ça veut dire, qu'en est-il du shirk Fita. Cette phrase, je n'ai pas comprise. M.O.M. En ce qui concerne les frères musulmans, là, dit doit-on les considérer comme nos frères et sœurs ou doit-on détester pour Allah Azza wa Jal barakallahu fikum ? Il faut dire que, les frères musulmans eux-mêmes, se divisent en plusieurs, si je puis dire, chaque personne a un cas. Chaque personne a son propre cas. Chaque personne a son propre cas. En général, la règle dit que quand on peut faire la da'wah à une personne pour l'attirer, c'est ça ce que demande l'islam, c'est ça ce que aime Allah Azza wa Jal. Moi, le frère musulman, si je peux, avant de faire de lui mon ennemi, je voudrais lui faire la da'wah et essayer comment faire pour qu'il se démarque de ce groupe-là, et qu'il devienne, mashallah, kitab sunnah, et qu'il oublie un peu la politique, et qu'il commence maintenant à penser beaucoup plus à la aqidah qu'à la politique. Maintenant, quand il ne veut pas, et il se fait comme ennemi pour moi, et il... m'insulte ou là je ne sais pas quoi, ou là il combat mon minhaj ou là je change de position. Et je lui montre que tant qu'il n'est pas dans le minhaj, qu'il ne vaut rien. Il ne vaut rien comme ça en étant dans cet égarement. S'il ne revient pas vers Allah Azza wa Jalla, vers la sunna sahiha, il meurt comme ça. Mais je ne dis pas que c'est un kafir, astaghfirullah. Je dis c'est quelqu'un dégaré dans le minhaj. À chaque fois que j'ai l'occasion, je lui fais quoi? Je lui fais la dawa et le prêche. Si ça marche pas, il veut faire de moi un ennemi, la place, je me démarque de lui et je me désavoue de lui. Et il l'a azzawajal. Naam. A t'fadla, inshallah, le prochain. En fait, Cheikh, le frère Mohamed Ibn Idriss, il parlait de l'association de l'obéissance. Il demandait donc si ça fait sortir de la religion. Fadal Cheikh. Qu'est-ce que ça veut dire association dans l'obéissance? Est-ce qu'il peut me donner un exemple? C'est quoi association dans l'obéissance? J'obéis par exemple à quelqu'un qui me dit de faire une chose. Ou est-ce qu'il peut me donner un exemple? Ou là, quelque chose qui s'est passé et je te dis si ça fait sortir ou pas. Inch'Allah, est-ce que tu peux donner un exemple, Afi? En fait, le frère Al-Ghulaba, il a copié le verset. Et donc, il a dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un seul Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Tfadashir. Je commence Allah Ta'ala par Muhammad ibn Idriss, ensuite on passe à Al-Ghurab. Quant à Muhammad ibn Idriss, quand il a dit obéir à Satan, il désobéira à Allah Azza wa Jal comme on fait Adam et Ève. Naam. Est-ce qu'un musulman, dites-moi, est-ce qu'un musulman pourrait-il croire une seconde que Adam alayhi salam, ou bien qui est le père des prophètes, ou bien Hawa, naam, font du shirk, naam, font du shirk, ou alors font du grand shirk, qui fait sortir de l'islam, carrément de l'islam. Est-ce qu'un musulman peut-il y aller concevoir cela? Ensuite, je dis aussi ça en rapport avec ce qui s'est passé, que obéir à Satan, quand toute personne qui a désobéi à Allah Azza wa Jal a obéi à Satan, qu'elle le veuille ou pas. Toute personne qui désobéit à Allah Azza wa Jal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a obéi à Satan. Et malgré cela, on ne devient pas kafir. On ne devient pas kafir tant que, hein, on reconnaît que le shaitan, il ne faut pas lui obéir et qu'on lui a obéi par jouissance ou là, par yani tentation, par ceci, par cela. Hein. C'est pour ça qu'on ne devient pas kafir bi'idhnahi azza wa jal. Hein. Si on obéit à Satan dans les grandes choses, hein, on lui fait la prosternation, on lui dit yani on va t'adorer, on lui dit on va te suivre, toi on ne suit pas Allah, comme ça on sort de l'islam. Mais juste une faute comme ça, cher, non, s'il veut dire association, peut-être qu'il veut dire la petite association qui ne fait pas sortir de l'islam. Sinon, ça veut dire que toute personne qui obéit au shaitan, ça veut dire quoi? Toute personne qui désobéit à Allah Azza wa Jalla, ça veut dire qu'elle est devenue mushrika. Et cela, c'est impossible. Donc ça rentre dans ça rentre dans le petit shirk, d'accord. Si tu veux dire que celui qui n'a pas obéi à Allah et qui a obéi au shaitan a fait un petit shirk. Dans ce sens, c'est possible. Naam, dans ce sens, c'est possible. Naam, naam. Dans l'obéissance, pas dans l'adoration, naam. Dans l'obéissance, ça. Quant au verset cité qu'ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jal, alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, naam. Ce verset, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, il faut comprendre que ceux qui ont pris les rabbins et les moines, naam, comme Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, il faut quoi? Il faut voir, est-ce que, non, il a dit, ça se divise en deux. Il a dit, ceux qui obéissent aux rabbins et aux moines se divisent en deux. C'est-à-dire ceux qui leur obéissent tout en sachant que Allah Ta'ala, par exemple, a interdit cette chose. Non, j'obéis à quelqu'un, je bois l'alcool tout en sachant que Allah Azza wa Jal a interdit l'alcool. Ça donne seulement un péché, un grand péché. Il y a la deuxième catégorie, ceux qui obéissent aux rabbins et aux moines, etc. Hein, en ne pas reconnaissant, je ne reconnais pas que Allah Ta'ala a interdit l'alcool. Je dis non, l'alcool n'est pas interdite. Et j'obéis aux moines ou à une autre personne et je bois l'alcool. Dans ce cas, je suis devenu kafir, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Non. Pourquoi? Parce que les takfiriyoun profitent de ce verset. Ce verset, ils ont pris le rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Dieu, comme Seigneur. Ils profitent de cela et ils disent toute personne qui obéit au gouvernement, elle est devenue kafira. C'est comme une personne, hein, qui a pris les rabbins et les moines comme quoi? Comme Seigneur. Et ils ne savent pas ce qu'a dit Ibn Taymiyyah et Rahimallah qui a fait la différence entre les deux groupes. Celui qui suit les moines et les rabbins en attestant que cette chose est interdite, et celui qui les suit en jetant l'interdiction d'Allah Ta'ala en disant « Moi, je suis ceux-là. Ce sont ceux qu'ils interdisent, eux, je le suis. Ceux qui le permettent, je le suis. Celui-là, c'est un kafir. » Non. Très bien, Inch'Allah, suis. En tout cas, c'est Saoudia. C'est à vous, Inch'Allah. Saoudia, vous n'avez que le raid, posez la question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur vous demande quelles sont les causes qu'elle doit mettre en œuvre pour qu'Allah lui facilite et lui mette la baraka dans la hijra, sachant qu'elle a déjà tenté de faire la hijra en gardant son appartement en France en cas de problème et sa manque de tawakkul. Très belle chère. En fait, celui qui veut faire la hijra et il laisse un appartement en France, en cas de problème, c'est un manque de tawakkul. C'est un manque de tawakkul. Pourquoi? Parce que il ne fera jamais la hijra à l'aise. Il aura toujours un pied dans le pays où il a fait la hijra et un autre là-bas qui attend à être posé. Dès que un petit problème, il se dit, moi je reviens là-bas. Alhamdoulilah que j'ai gardé mon appartement. Alhamdoulilah que j'ai gardé mon appartement. Et comme ça. Dès qu'il se passe un petit problème, un chétan qui va venir. N'oublie pas que tu as un appartement là-bas. N'oublie pas que tu as un appartement là-bas. Et comme ça, il ne va jamais te laisser tranquille. Mais si vraiment tu veux faire la hijra, il faut vendre. Et déchirer tous les papiers et ne laisser rien. Aucun contact avec là-bas. Comme ça, khlas, je sais que j'ai perdu, j'ai fermé toutes les portes, il n'y a que la porte d'Allah Azzawajal qui est restée ouverte. C'est pour ça que certains salafs, quand le hadith, vous connaissez le hadith qui dit que vendredi, quand on va à la mosquée, de préférence, on va à pied, on ne va pas sur une monture ou là sur une voiture. Certains salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le jeudi, ils vendaient leur monture. Celui qui a un âne, il le vend. Celui qui a un cheval, il le vend. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il le laisse, le vendredi, il sera peut-être tenté. Il y aura la tentation, il ne va pas aller à pied. Maintenant qu'il l'a vendu, il est obligé d'aller à pied à la mosquée le vendredi. Ensuite, après Salat, il achète quoi? Il achète un autre cheval ou un autre âne. Non, peut-être j'exagère si je dis... Il faut déchirer les papiers, mais du moins, il faut vendre l'appartement et acheter un autre dans le pays où on va faire la hijra. Acheter un autre dans le pays où on va faire la hijra. De toute façon, toute personne qui est sincère avec Allah Azzawajal et qui veut Allah, qui veut la hijra, qui veut le paradis, Allah Azzawajal lui facilitera. Car c'est lui qui a dit, si Allah sait dans vos cœurs du bien, il vous donnera du bien. Il n'y a la midla ou fiqoulubikum khayran. Qui comprennent. Sois sincère, remets-toi à Allah Azza wa Jal à fond et tu verras comment Allah Ta'ala t'ouvrira tes portes, ses portes, bi'idn Allah Azza wa Jal. Tfadla, Inch'Allah. Abu Abdel Aziz, Tfadla, Inch'Allah. À la fin, c'est sur l'éducateur, c'est la question de Salafia du Sud. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, tout cher. Fayak Allah, que conseillez-vous à une personne jeune qui ne prend pas le temps ou qui néglige d'apprendre sa religion? Pouvez-vous donner une fréquence d'apprentissage journalière, hebdomadaire et les domaines? La personne est âgée entre 16 et 25 ans. Allah vous récompense et vous guérisse, Cheikh. Il y a un écho, Cheikh? C'est peut-être parce que vous avez enlevé le mute sur soit sur Paz, soit sur Richardeur, Cheikh. C'est peut-être sur l'une des deux rooms que vous avez enlevé le mute. C'est peut-être pour ça que vous avez les coups. Dites-moi, Inch'Allah, si je répète la question. Est-ce que vous avez encore les coups ou c'est bon, cher? Faut mettre mute sur Paltalk, Inch'Allah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakallah. Que conseillez-vous à une personne jeune qui ne prend pas le temps ou qui néglige d'apprendre sa religion? Pouvez-vous donner une fréquence d'apprentissage journalière, hebdomadaire, ainsi que les domaines? La personne est âgée entre 16 et 25 ans. Qu'Allah vous récompense et vous guérisse, Cheikh. Amin. Fadal, Cheikh. J'ai quelque part dans mes fichiers, un fichier qui contient cela. C'est-à-dire qui contient comment la personne doit faire pour acquérir la science. Donc, le programme qu'elle doit suivre. Non, il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, que je lui cherche pour la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Il faudrait que je lui cherche ce fichier qui contient des livres fondamental qu'une personne débutante doit suivre dans toutes les branches. Inch'Allah ta'ala. Si quelqu'un l'a maintenant, à celle de Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou, qu'il nous la donne, Inch'Allah ta'ala, pour la lui donner. Inna Azza wa Jal. Car une personne qui n'apprend pas, qui ne fait pas d'efforts pour apprendre, non, c'est une personne, comme a dit le messager d'Allah, alayhi wa sallam, comme la différence entre une personne vivante et une personne morte. Non. Comme une personne vivante et une personne morte. Vous voyez la différence entre le mort et le vivant. Car en fait, plus tu cherches à apprendre cette religion, et plus tu sens en toi que tu es en train de vivre. Plus tu es intéressé par l'islam et la science, plus tu sens en toi une nouvelle vie, et plus tu sens en toi ton cœur qui commence à palpiter de nouveau, et à chaque fois qui commence à battre de nouveau. Et plus tu t'éloignes de la science, plus tu t'arrêtes seulement à la salat et au jeûne, et au hajj si jamais tu peux, plus tu te sens faible. Tu es devenu faible, hein, tu te sens dégoûté, tu te sens que tu en as marre, tu te sens que ton cœur, tu te sens chagriné, tu te sens tu n'es pas content, tu n'es pas heureux, tu n'es pas tout cela. Pourquoi? Parce que la personne ne demande pas de science. La personne n'a pas la quête de la science dans son cœur. Et plus, si je peux dire, moins on a de science, plus on est en train de mourir, qu'on le veuille ou pas. Et plus tu as de la science, plus, mashallah, tu sens que tu rajeunis. Même si tu as 100 ans, tu te sens jeune. Même si tu as tous les problèmes du monde, tu te sens le plus heureux. Pourquoi? Tu es intéressé par la science. L'ilm, la science, c'est de qui? C'est d'Allah Azza wa Jal. Non, la science, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Te fait descendre une lumière dans ton cœur. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas aw bayna an-nas. » Il a dit, « Et celui qui était mort, on l'a ressuscité. » Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était mort? Il était mort, ça veut dire qu'il était kafir. On l'a ressuscité en le faisant entrer en islam. Et on lui a mis de la lumière dans son cœur. Plus tu as cette lumière, plus tu sens que tu vis la vraie vie de la Zawajal. Puis demain, quand on va mourir, chaque personne, sans une exception, sera quoi? On lui posera quatre questions. L'une des quatre questions, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Le deuxième aussi, qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu fait de ton temps? Le temps libre qu'on a, nous on dit c'est un temps libre. Mais en fait, c'est un temps sur lequel on va nous poser des questions. Qu'avez-vous fait de votre temps? Où est-ce que tu passes ton temps? Dans les cafés, dans les jeux, dans les quoi? Où est-ce que tu passes ton temps? Heureux celui qui dira, je passais mon temps à apprendre la science. Je passais mon temps à apprendre le Coran. Je passais mon temps à écouter des doses. Je passais mon temps à écouter des cassettes. Je passais mon temps à lire des livres sur le dîme. Et comme ça, Allah Azza wa Jal nous ouvre cette voie et illumine nos cœurs et qui nous aide le jour où on va le rencontrer. Fadal Inch'Allah, suivez. Abou Abdel Aziz, Fadal Inch'Allah. On a une question concernant la aqida à une personne qui va mourir presque. Quand sa carrette monte, elle arrive. Certains de nos vieux ou bien, ils disent on voit des enfants, on voit l'être, il voit son père, on les parle à sa mère, fils sa carrette monte. ربما يكون شكك في العقيدة بس كي تقول نعم إلى بغلي إلى فوسي بغلي يعني سو كوزين كي مور بغلي سا طونت L'autre qui a perdu beaucoup d'enfants et parler avec ses enfants. Et on dit que comment répondre à ça, barakallahu fik, mes chers. Jazakallahu khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shafakum Allah, assalamu alaikum. Amen. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala guérisse tous les croyants, tous les croyantes. Et je reviens à celle qui m'a dit de faire des doigts au frère ou à la sœur pour demander l'ilm. Je dis que Allah azim, Rabbal Arsh azim, l'iftaha, il a des chers abou de l'ilm. Quand il s'est hila lahu, طرق العلم وأن يعينه حتى يصبح من طلبة العلم أو من العلماء. نعم. Ensuite, je reviens voir Abdelaziz et ensuite je dis bien Allah Azza wa Jal que quand quelqu'un est dans Sakarat al-Mout, نعم, c'est terminé entre quoi? Entre ce monde. Il n'y a plus de relation avec ce monde. نعم. Et il est déjà dans l'au-delà avec yani, ce qu'il voit, etc. Mais dans ce cas, il ne peut plus parler. Nam, dans ce cas, il ne peut plus parler. Quand il parle, il dit une chose, il dit une phrase ou là, c'est qu'il est toujours avec ce monde. Nam, à partir du moment où là, il ne peut plus parler, d'ailleurs, vous avez remarqué, quand des fois il est en train de dire l'aïla, la shahada, il ne peut pas la terminer. Pourquoi? Il est passé déjà dans l'autre monde et on a fait sortir quoi? Son âme. Mais juste un peu avant, quand il est en train d'agoniser, hein, il se peut que lui quoi, il se peut que il commence à imaginer des choses, mais c'est impossible qu'il parle avec des morts. Mais il est possible qu'il imagine lui. Il imagine dans sa tête, par exemple, que il y a son père qui est assis en face de lui, mais imagine ses enfants ou là son cousin qui est en face de lui. Ce sont des pures imaginations. Mais ce n'est pas une réalité, car Allah Azza wa Jal ne fait jamais revenir quelqu'un après qu'il soit mort, ni pour la mort d'une personne simple, ni pour même le messager d'Allah. Non, ça vient même du shaitan. Il se peut que le shaitan, non, te fasse comme si tu étais Imam Ahmed. Il se peut que le shaitan te fasse la présence de certains de la famille, surtout s'ils sont kofar, etc., pour te tromper, pour te dire voilà ton père il est en face de toi là, hein, mais il te dit de mourir chrétien. Voilà ton cousin il est mort chrétien, il est là en face de toi, il te demande de mourir chrétien et comme ça. C'est pour ça que les savants disent il faut bien faire attention pendant l'agonie, etc. Il ne faut pas arrêter de dire la ilaha illallah et comme ça. Non, pour que le shaitan ne joue pas de rôle là-bas. Non. Allah Azza wa Jalla a'lam. Tfaddal le cheikh. Donc ça, Mouahidin, ça va, Inch'Allah. Salam alaikum. Bismillah, hayakum Allah. Je me permets, cheikh, de vous demander si vous pouvez, Inch'Allah, nous faire un cours sur le adab, le comportement de l'élève vis-à-vis de son professeur, car il me semble qu'on en a grand besoin. Moi la première. Jazakallahu khair, cheikh. Tfadal, cheikh. Wa alaykoum as-salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Barakallahu fik mouahidin pour cette chose-là. Naam. Inch'Allah ta'ala, je ferai un cours spécialement pour cela. Naam. Mais Inch'Allah ta'ala, pas aujourd'hui parce que je ne suis pas pris. Naam. Et ouais, mon cheikh, notre imam m'a a bien expliqué ça. Lorsqu'il a expliqué le livre qui s'appelle Hidyat al-Ulama de Cheikh Bakr Abou Zayd Rahimallah, il a bien expliqué comment ça doit se passer entre un élève et son professeur. Et comme tu as dit toi, tous, on a besoin de connaître les adabs pour savoir comment se comporter en tant qu'élève avec son professeur. Inch'Allah ta'ala, je ne manquerai pas, Inch'Allah ta'ala, pour faire un cours en ce sens. Bi'idhna azza wa jalla, barakallahu fik. Tfaddal, Inch'Allah, le prochain. Non, donc là, c'est sur Ichata, Inch'Allah. Et quelle était la personne qui avait demandé pour la liste des livres? Quand j'ai retrouvé la liste de Cheikh Anwar al-Thaymin, donc elle me contacte en PV, je vais lui donner la liste, Inch'Allah. Et pour le lien, je ne le mets pas car je ne sais pas si le forum, c'est un bon forum, donc je préfère pas répondre le forum. Je donnerai juste la liste, Inch'Allah. Donc là, Akhel Rolaba, c'est à qui, Inch'Allah? C'est salafoverblog.net, si je ne me trompe pas, Inch'Allah. Non, c'est ça. Tu lui as enlevé le raid, Inch'Allah? Alhamdulillah. Salam alaikum. Voilà, je voudrais savoir si on peut faire la salat avec des billets d'argent ou il y a des statuettes, exemple, l'argent égyptien ou autre. Barakallahu fik. Tfadal, cheikh. C'est caché, c'est caché, c'est dans ma poche, c'est dans le portefeuille, c'est dans le porte-monnaie. Je ne connais aucun savant qui a dit qu'on doit sortir l'argent de ses poches, même si elle contient des choses comme ça, ou si ce sont des pièces d'or ou d'argent là, qui contiennent des têtes de personnes, des têtes d'animaux, etc. Je ne connais aucun savant qui a dit qu'on doit faire sortir de l'argent pendant la salat. Non. Donc, attention à ce que le shaitan ne vienne et vous fasse rentrer dans des choses exagérées et qui n'ont pas de base. C'est-à-dire que, aucun savant n'a dit cela, la personne va se dire, puisque la statue est interdite en islam, et puis j'ai une statue dans ma poche, donc ma salat est annulée. Non. Donc, cela n'est pas vrai, mais il n'a pas de problème. On passe dans le prochain. C'est Talib Line. Donc, posez votre question, Talib Line. Par contre, là, il y a beaucoup de personnes qui me demandent pour la liste. Donc, comme je vous ai dit, le site, Alim, s'il est bon, donc ce que je ferai, je demanderai à Achir pour mettre cette liste sur son site. Comme ça, dès mercredi, Inch'Allah, on vous donnera donc le lien directement et la liste des livres. Vous pourrez la retrouver sur son site. Si le Achir veut bien mettre cette liste sur son site, Inch'Allah. Comme ça, ce sera plus simple. Cette question elle revient souvent. Et comme ça, ça évitera à chaque fois à Achir de rechercher ou de demander à la personne de patienter. Non, donc le Achir est d'accord. Donc Inch'Allah, on fera le possible pour que dès mercredi, cette liste soit disponible sur son site. Alhamdulillah. Donc Talib Naïm, c'est à vous, Inch'Allah. Posez votre question. Talib Naïm, est-ce que vous êtes là? Sinon, Umsana, posez votre question, Inch'Allah, on vous enlève le raid. Umsana, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-il permis de faire une sadaqa à la mosquée pour l'un de nos proches morts? Cela va-t-il diminuer son châtiment s'il aura un châtiment? A-t-on le droit de manger de la sadaqa sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas de la sadaqa? En fait, quand elle dit, quand la personne dit, a-t-on le droit de faire une sadaqa à la mosquée? Je veux savoir c'est quoi la sadaqa à la mosquée. C'est-à-dire donner de l'argent à la mosquée ou bien yani, faire cuire quelque part, par exemple le couscous, etc. et l'envoyer à la mosquée avec de la viande, etc. C'est quoi ici la sadaqa? J'avais oublié de passer en stéréo mix. En fait, le chir est demandé c'était quel genre de sadaqa. Est-ce que c'est en argent ou est-ce que c'est un repas? Moi-même, je pense que c'est un repas. J'avais demandé si après on pouvait manger de cette sadaqa. Non, chir. Donc elle dit que c'est un repas. Très bien, chir. Quand on veut, par exemple, quelqu'un est mort et on veut, par exemple, donner de l'argent en son nom. Bien inviter des gens à manger en son nom. Ou bien par exemple, je ne sais pas, égorger un mouton et donner aux gens à manger en son nom, etc. Non. Ce n'est pas nécessaire de l'envoyer à la mosquée. Non, ce n'est pas nécessaire de l'envoyer à la mosquée. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est de le donner à des gens nécessiteux. Des gens par exemple qui voudraient bien manger, sont nécessiteux et on leur donne cette chose entre eux pour qu'ils la mangent. Non. Mais ce n'est pas obligé que ce soit à la mosquée. Ce n'est pas obligé que ce soit à la mosquée. Non. Ensuite, autre chose, le messager de la manger pas la sadaqa, c'est-à-dire qu'il ne mangeait pas la zekette. Il n'acceptait pas la zekette et il acceptait quoi? Il acceptait les hadiyas. Si le messager d'Allah, si tu lui donnes quelque chose comme cadeau, il l'accepte. Il l'accepte. Non. Et si tu lui donnes quelque chose comme sadaqa, il ne l'accepte pas parce que c'est yani, les choses futiles que les gens laissent. Ça devient sadaqa. Mais si tu lui fais un cadeau hadiya, ça lui ferait plaisir. Car le cadeau, on le fait pour attirer les cœurs. Pour attirer les cœurs. Ça diminue le châtiment. S'il y a châtiment. Non. Il n'a pas de S'il y a châtiment, ça diminue le châtiment. Non. S'il y a châtiment, ça diminue le châtiment. Et s'il n'y a pas châtiment, ça augmente la hasana. Ça augmente les récompenses. Il n'a pas de Non. Mais ce n'est pas obligé que ça soit à manger. Ce n'est pas obligé que ça soit à manger. On peut donner cet argent au nom du mort. L'argent avec lequel je vais acheter, et je vais cuire, et je vais ça, je peux donner ça en argent. Je vois quelqu'un qui est pauvre, je lui donne cet argent avec l'intention que c'est pour X, le mort. Non. Sauf Cheikh Abel Al-Rahmou qui dit que ça n'est permis que si ce mort est notre père, notre fils. Donc le talib al-ilm n'est pas revenu. Donc là, on rappelle au chef qu'il est 23h06. Et donc là, c'est à Abu Marwan, Inch'Allah. Là, c'est à Laboury Chata. On arrête, Inch'Allah. Donc là, on va passer la dernière question qui a été posée sur Chatter. Et après, donc, ce sera la fin, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le châtiment du musulman dans la tombe continue jusqu'au jour du jugement dernier ou peut s'arrêter avant? Barakallahu fikoum. Fadal Shir. Alaykoum salam. En fait, c'est le châtiment du kafir qui ne va pas s'arrêter jusqu'au jour du jugement dernier. Quant au musulman, s'il meurt bien avant la fin du monde, son châtiment va s'arrêter, comme on dit Cheikh Ibn Othaymin Allah yarhamou et d'autres. Mais s'il meurt par exemple aujourd'hui et demain c'est la fin du monde, il se peut que ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul jour ou deux. Mais en règle générale, Allah Ta'ala châtie le musulman dans sa tombe, justement exprès pour que lorsqu'il le rencontre, il va le trouver sans péché. Il l'a châtié dans la tombe et il l'a purifié dans la tombe. Et la plupart du temps, le musulman, car il n'est pas devenu kafir, ses péchés vont se terminer dans la tombe. Des fois, c'est un jour, deux jours, trois ans, quatre ans, cinq ans, et comme ça s'arrive. Mais le kafir, non. Le kafir, non. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, Allah Ta'ala dit, le feu, leur sera montré, ou là, ils seront présentés au feu le matin et le soir, c'est-à-dire dans la tombe. Chaque matin et chaque soir, ça c'est pour le kafir. Chaque matin et chaque soir, le feu, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah Ta'ala. Quant aux croyants, c'est dès que ces péchés se terminent, il n'y a plus de châtiment dans la tombe. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Bi'idnillahi Azza wa Jal. Avant cela, Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous préserver, de nous aider, de nous donner la sincérité, de nous ouvrir ses portes, de nous guérir de nos maladies. Et de nous aider dans son obéissance, mais de nous éloigner des péchés. Et on se rencontrera, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Comme ça, vous aurez le droit de poser des questions dans n'importe quel domaine. D'ici, maladie, la fadé, wa da'iru, subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.